Vous écoutez un podcast géographique depuis la Diagonale du Vide, c'est ici et maintenant. La Diagonale du Vide est une large bande du territoire français allant de la Meuse aux Landes où les densités de population sont très faibles par rapport au reste de la France.